France. Examinez bien ce terrain, messieurs. Ce sera un champ de bataille et vous aurez un rôle à y jouer. Rapp, apportez-moi la topographie exacte dans une heure. Mais qu'est-ce que tu notes là, Monté? Tout ce que je vois et tout ce que vous dites, sire. Pour qu'on n'altère pas plus tard la vérité. Tu auras beaucoup à écrire d'ici 48 heures. Général Maresco, dans tout ce secteur, faites creuser des trous recouverts d'herbe pour piéger la cavalerie ennemie. Qu'est-ce que cette apparence de château là-bas, Soult? C'est là que j'ai établi mon quartier général, sire. C'est le château d'Austerlitz. Cette position est dangereusement exposée. J'entends déjà la cavalerie de Liechtenstein qui se précipite sur Austerlitz. Mais où l'entendez-vous, sire? Dans ma tête, parbleu.